Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap gradure. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le dernier Planète Rap de la semaine entre 20 et 21. Une grosse semaine où on vous a présenté Gradure. Les images sont dispo aussi sur le Skyrock FM avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Comment ça va Gradure pour cette dernière? Ouais, ça va cool et toi Fred? Ça va en pleine forme? En pleine forme hein, comme d'habitude. Et j'ai comme l'impression que tu es venu avec... Le 59. Avec le 59, voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. J'ai reconnu quelqu'un. Voilà. Il y a Lille, il y a Roubaix, il y a M. Tourcoing. Voilà, Tourcoing. Trois ponts, Alma, Porte d'Arras, tout le monde est là. Donc ça veut dire qu'on va attaquer dans quelques minutes un gros live. Voilà, un gros live, tu vois. Pour finir ce soir, pour essayer de faire croquer le maximum voilà, de personnes. C'est ça, tu vois. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pratiquement toute la semaine. Maintenant, j'ai envie de donner aussi l'occasion au frère de. Parce que j'aurais bien aimé qu'un mec aussi me le fasse. Donc voilà, c'est tout à ton honneur. Donc ce soir, ça va bouffer du micro, j'ai l'impression. Ce sera dans un instant. Juste avant, on a eu une belle semaine avec toi, Gradure, jusqu'à hier soir. Et on va revivre rapidement ce qui s'est passé cette semaine. D'accord, c'est le replay. Parfait, Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. C'est parti pour une nouvelle semaine avec celui dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant. Il est là avec nous entre 20 et 21 toute la semaine, monsieur Gradure. Bien bon Fred, ça va ou quoi? Et toi? Au calme, ça fait plaisir d'être là. Prêt pour le feat? Ouais, je suis prêt. Tu m'as dit en arrivant, moi d'entrée de jeu, je veux kicker, je veux faire le live. Vas-y, je vais faire un live direct. Au régiment, j'avais mon fameux Smilly. Et au checker, j'avais mon 762. Avant mes chèques, ils pour des billes. Maintenant on se fume pour des litrons de. On crache les balles, ramasse les yeux doux. Ta pétasse nous fait les yeux doux. Mes chèques vont niquer, ça te chaque. Elles sont moindes, les mon tibou, moins doux. Mon écran corps rafale, ça fait pa pa pa. Gradure validé par Skyrock, alors pa pa pa. Planète Rap. Point à ma gauche. J'ai fini milliard à droite. Grosse tasse à ma gauche. Forcément, gros, fais le ma droite. Parce qu'il y a une punta cala. Des négros, je les calave. Des rebeux, je les calave. Planète Rap en calave. Planète Rap. En pleine forme? Ouais, ça va. Tu as vu, j'ai rejoint le Chez Guesquad. Au Chez Guesquad, c'est bien bon. Avec ce joli t-shirt offert hier, merci à vous. Il manque plus que le fit maintenant. Ça arrive, ça. J'ai pas brisé ta carrière qui est bien partie pour l'instant. Ne m'en veux pas, mais je vais peut-être décliner. Hein. Si je continue, Fred, parce qu'elle me demande en vue. Ouais, mon fermé, vous êtes là ou quoi? Ouais, 5-9, vous êtes là ou quoi? Aucun respect si tu bats devant la liste. Pour reste lipo quand tu me parles. Si t'es brave, j'serai toujours dispo. Je suis pas obispo, mais je veux bien ça c'est ma. Avant qu'on m'assassine, Bibi ça m'assassine. Cela dans son fascine, les petits on les fascine dans ma vue. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation. Faire du bruit ici ou quoi là? Tout le monde est là ou quoi? On est là. Qu'est pas ça? Ouais, mon dibou, qu'est pas ça? Mundele, on arrive, on est passage, j'appelais l'Embi, là y'a le feu dans la plaza. Qu'est pas ça? Ouais, Chege, qu'est pas ça? On est venu raffoler la monnaie armée comme les soldats d'un Gaza. Il y a une petite flopée de questions pour toi. Il y a des gens qui se sont appelés pour poser des questions. On y va, on attaque avec Yanis de Dunkerque. Tiens, allô Yanis. Ça va ou comment, Chege? Ça va et toi? Ça dit quoi? Ma question, je voulais te demander. Quel jour on te propose d'aller en maison de disque? Ça serait quoi ta question ou ta réponse? Bah si ça peut m'apporter plus que ce que j'arrive à faire maintenant, pourquoi pas? Sortez le feu bon. Sortez le feu bon. Dans mon sac de c'est la guerre, négro. Sortez le feu bon. Sortez le feu bon. Négro, sortez le feu bon. Si ce bâtard te regarde au travers, vas-y, shoot le bon. Il y a une arrivée dans le studio. Ouais, il y a Patrice Carter. Hey, pas du bruit. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tiens, Patrice, t'avais prévu d'entrer sur quel son? T'avais un son prévu ou pas pour rentrer si tu devais faire le combat? Non, je veux dire, franchement, j'allais surprendre tout le monde pour une fois. C'est vrai? Hein? Parce que j'allais rentrer avec la Marseillaise. Pas mal. Ah, ça aurait eu de la gueule. Et je voulais leur montrer. Je voulais leur montrer, il faut nous respecter qu'on est tous français avec nos gueules qu'on a. Voilà. Quand ça plaise ou non, on est tous français. Voilà. On n'est pas tous seuls. Péter sa gueule à Dubaï. Fini hier, c'est incroyable cette Marseillaise. Cette Marseillaise entonnée dans le studio de Planète Rap. C'était incroyable. Avec Patrice Carteron qui est venu nous rendre une visite. C'est du jamais vu, c'était lourd. Et avec Gradure, tout le monde la main sur le cœur. Voilà. Ça me rappelait l'armée même. Ah bah, ouais, c'est vrai, en même temps tu connais les paroles par cœur. T'as pas le choix. Et t'as pas le choix. Ouais. Bon, avant d'attaquer ce live, est-ce qu'on mettrait pas un petit coup de Che Guesquad? Vas-y, ça c'est l'hymne en ce moment. C'est l'hymne en ce moment, c'est la nouvelle Marseillaise. Il y a un clip aussi qui va arriver dans quelques minutes. Che Guesquad pour débuter. Et puis après on part en live juste après. If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell them don't waste my time. Yeah, if it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No. Tell them don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Chez Guesquad, on arrive dans le bain pour baiser, yeah. Sur la route, tu peux l'enfer en détail. T'as 35 piges, tu auras pas dans les dents. Non, négro, c'est trop grave. C'est un scandale que tu veux parler d'art. Je vais te rentrer ma bite et calibre dans ton trou de balle. Bite et calibre dans ton trou de balle. Pilés, je sais qu'ils sont pas tailles. Putain, rejoins devant ma gauche. 9 mm à droite. Grosse ta sperme à gauche. Forcément, gros, y'a fait l'homme à droite. Tu es levé son cul pire qu'un quad. Forcément, cette salope, elle boite. Entrée, avec mon femme, je la doite. Barbeau qui vit dans son cul, elle squat. C'est comme un daron, parle pas cru en nous. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Moi, je vais me faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur, c'est le Che Guesquad. Présent pour les niquer sur le beat, dealer, c'est le Che Guesquad. C'est le Che Guesquad. Ils veulent tout sucer notre but, on est des killers, on va tout piller des gaz. Tout piller des gaz. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc veut débiter des kilogrammes. Des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où je fais un drame. Bitch, tu kennes ou t'es propre? Tu suces ou tu crottes? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Qatar, tu suis ou t'es score? Les corps, tu michetonnes. Salope, t'es trop conne. Je suis agent. Et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, porte mes patins. Et je vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Ces bâtards ont parlé, ont pas cru en nous. Dis-leur c'est le Che Guesquad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Che Guesquad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Che Guesquad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur c'est le Che Guesquad. Che Guesquad. Dis-leur c'est le Che Guesquad. Encaisse la monnaie comme un rapi. J'ai caché la bœuf dans le fut à Tarakli. Arrête qui vient pas fumer sur mon paquet. Mais c'est des son prêts, ils demandent à ta qui. Vicieux, viser la peuf, meuf en sachet. Faux chèque de banque, genre un gamo sous sa chaîne. Baveux et j'risque le parquet, c'est parfait. T'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais, mon négro short de tôle. Ouais, mon repêche me refait, j'ai la gaule. Tu me jettes un scroll. Versatier, c'est pas notre faute. J'ai de la drogue dans des sachets. Hey, où elle est si par ici, tout s'achète. Ils se rachètent des couilles, c'est pété, faut que vous le sachiez. Bon, on s'en parle. Chez Guesquad. Chez Dis-leur c'est le Chegué Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chegué Squad. On sûr, on en vous oublie pas les frères. Dis-leur c'est le Chegué Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Ouais, calme, allez là, on ensemble mon gars. On la freine. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad, dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad, dis-leur c'est le Chegué Squad. Un coup de machette à la tourne. Vouloir nous tester qui peut. Personne, je traîne que dans des quoi chelous. Où ça pue le shit et la beuh. Drogue, les négros on les pose vite. Quand faut couper la voix en deux. Ils veulent faire les super héros. Chegué, je vais les mettre en jeu. Je fais pas dans le ciné, plutôt dans le peurin, ils vont halluciner. Passons dans l'homme au plateau, mieux ce sera le kiné. Squat, squat, squat. Putain, je rallie, direction Berry, j'pilote sans permis. A 86, j'suis à Savini. C'est que t'as dit, big up à Kochi. Fuck it, she got to go. Tell her don't waste my time. At least when it stop me, search my clothes. Tell him don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Chegué Squad à l'instant avec Gradure et tout le Chegué Squad qui est là ce soir. Et un autre Chegué Squad, une grosse partie du 5-9 qui est venu pour rapper ce soir dans l'émission. Et le 5-9, on est là ou pas? Ouais, tu vois, on a rassemblé quasiment tous les quartiers de Roubaix. Il y a M, il y a Nouveau Roubaix, il y a Roubaix, les Trois Ponts. Il y a l'île sud, tu vois. Et bah merci à vous d'être venu ici. Il y avait tout le monde, il y a Mons, il y a tout, il y a LM, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on essaye de porter le 5-9, tu vois ce que je veux dire. Et bah c'est, ouais, c'est important. Et c'est ça le plus important. C'est important. Voilà. Et je le disais, c'est tout à ton honneur justement de laisser le micro un petit peu à cette jeunesse du 5-9. Ça me fait plaisir. Comme je t'ai dit, j'aurais bien aimé qu'un. Si moi je rappais, j'aurais bien aimé qu'un mec me fasse la passe comme ça. Ça m'aurait fait plaisir. Et bah la passe maintenant vous appartient les gars. Mm-hmm. On va passer au freestyle maintenant. Il va y avoir deux parties. Alors je dis ça tout de suite parce qu'à un moment je vais vous couper dans une dizaine de minutes. Donc me sautez pas dessus. Il y aura après une grosse longue partie pour rapper, donc d'accord. N'hésitez pas. Coup d'envoi de cette première session freestyle ou pas? Ouais, vas-y. Est-ce que l'ordi ça est prêt? L'ordi ça qui est pas ça qui est au platine? On peut y aller quand vous voulez. Session live dans Planète Rap maintenant. 1 Midas Junior 5-9 Samaré Mitri Kouli Bing Bing Force Dramé Sama Doukara 1 Fumon Move Biatch. Je n'influence pas les petits, mais je stopperai pas un petit qui veut sauver sa famille de la famine. Sa grand-mère à la brigade canine. L'île illégale, schlag meurt car trop forte est la cam. C'est aussi la zone immanquable. Une grosse pensée aux frères enfermés qui avec de la ria c'est pas du placard. Dernier gris-gris qui vient de Dakar. Toujours en mythe comme un pack-pack. Cinémafieux avec un trois quarts. Fais du cash, l'état te veut, l'état te veulent. Si on t'humilie, porte tes couilles, reprends ta fierté. Fais une veuve à la guerre comme à la guerre. Papa m'a offert un 9 milli. Jaloux rappeur que j'élimine. Me faut rire comme des guili-guili. Chaga l'aimé. J'ai pas écouté mon grand frère, j'ai fait des conneries. Mon petit frère ne m'a pas écouté. Parle sérieux, lui connerie. Putain, négro ta go me sauce. Rebeu, ton rappeur me suce. Amenez-vous pour un versus. Souffle coupé comme un point au plexus. Tu la promènes, je la malmène. De la queue de roche, je te la ramène. Mes frères meurent, je plonge dans une poitrine pour noyer ma peine. Regarde-nous, jeune et mature. Débrouillard dans la nature. Assez discret comme la filature. On veut tout péter comme l'a fait Gradure. Force le comico et ses bravures. Je vous pétasse en grosse musculature. Ils prétendent tous bibi de la pure. Mais pour aider sa maman, ça devient dur. Brrr, de ne pas suivre d'osmic à sa musique. C'est pas Hélène. L'idéal, c'est un putain d'alibi pour faire ses jazz en parallèle. Mais Hugo voit la fac en ce son. Des faiseurs d'argent ce sont. Traînant la plupart dans les rues sombres. Survivre à la crise pour sauver sa mille. Dis-moi ce que nous faisons de mal, négro. Tous les jours on fait du mal, négro. Tous les jours on a fait mal. Tous les jours on se fait mal, négro. Tous les jours on fait du sale, négro. Tous les jours on fait du sale. Sauf que nos mères le sachent, rebeu. Sauf que nos mères le sachent. 2014, mais Nicolas. 1 Pour répondre les phares, finis les menaces au coup de hache, c'est le drive-by. enchaîne. Krilli, bande d'enfoiré. Eh, ça belle l'est. Cette année, je vais les fourrer. Notre objectif, c'est de faire de la maille au village. Ce bar est ici, dans une putain de grosse villa. T'es ma où on vit là. C'est pas ma raga. Si t'as hagar, mon pote, tu vas sentir la hagra. J'ai pas fait de buzz, j'ai pas fait de succès. Un spartiate ne suce pas, il se fait sucer. J'arrive dans le game, je crois bien que je vais niquer les chaînes. Je préfère marcher comme un chien que galoper comme une chaîne. Ces batailles se demandent comment je trouve l'inspire. Je suis pas comme un Wakrilli. Je veux choquer la Seflan. À 16 piges, mon pote, je suis déjà dans la cour des rats. C'est pour ceux dans la hype. C'est pour nos potos hebs. C'est pour nos potos hebs. Pour ceux qui harak. H24 dans la tête, bro. En bas, LS, dis-nous qui peut nous test. Planète rap avec gradure. Ben ouais, mais bien sûr que ça gradure. Placard, Tiger, coque-moi faute. Si, si. Ok, t'es énervé, cousin, parce que ton rap n'a pas de succès. Parce que demain, si ça marche, tu crois que tu te feras sucer. On m'a dit de te corriger, m'en veux pas, je peux pas en sucer. N'essaye pas de me suivre, trou du cul, parce que je veux pas en sucer. Je le dis qu'une fois, pas deux, je veux pas crier, mais ce qu'un tel gauquier. J'ai pas envie de te faire tomber, d'escalier, devenir grossier. Porte plainte contre moi, j'irai pas au procès. Non, j'appelle mon avocat, ouais, maître procier. On n'est pas là pour négocier, fils, faut pas t'inquiéter. Si je rappe, je fais tellement de dégâts sur le micro, essayé. Appelle, appelle seulement tous tes gars, dis que t'es prêt, on y va. On va leur mettre une dernière raclée, dernière racla. Tu sais très bien de quoi je parle, ta carte t'es passé par là. Fais gaffe à ton poteau, il pète ta femme quand t'es pas là. Même si t'as ma parole, on touchera pas ta soukounette. Même si t'as ma parole, on touchera pas ta soukounette. Tu veux un fit, c'est niet, cousin, je préfère être honnête. On se mélange pas avec toutes les balles trinquées sur internet. Quoi, comment d'en fuck, really gangsta, ok. Ça c'est pour gradure. Ok ma gueule, 59 HEM. Pour les frères qui purgent Astercy, T-Junk, Mahboul, Outman, Kadhafi, Lush. Hein. Ok. Fais saigner la troupe de la brigade canine. Dans le quartier l'ambiance est volcanique. MC ne fait pas banani. On sait que ton appel est fait, c'est plein les narines. Benelux, Benori au top. BX sur la vitrine elle toque. Périple, t'es pris en doc par les flics. Coup de pare-choc, j'ai des idées maléfiques. Une parole, ça tient comme la corde de la survie. T'en as l'oc et glock et ça me suffit. Paradis, fisco, à l'abri des faux. Vas-y, donne 20 briques, j'me sauve. Ou tu me tueras la bite, bientôt. Mon petit homme Jack chez les riches. L'hydrate à chaque ligne, force les coffres au pied de biche. Repart en V6, de quoi se fait ce qui vite fait. Fil par la Belgique au risque de finir paraplégique. Car là-bas, ça tire direct. L'été ou le bis, c'est plus un dilemme. Ta petite copine nous attend en nuisette. Toute la nuit dans ton lit. vie, je lui ferai la misère. Oui, j'ai la maladie la plus répandue de ma vie, la fièvre du vif, c'est tout ce qu'on m'a appris. Depuis 13 piges, on a zappé flingabi, je suis comme un Boeing, sans pilote dans la cabine. Ça, c'est tout pour tous mes frères qui purgent de ce qu'est Dallas. Même si ça a fermé, on n'oublie pas les esprits. MAT, le Blue One, piment, sauce pimentée. Marboulou, aïe aïe aïe, mes bandes d'érables, HP Mafia. Session live dans Planète Rap, on va revenir dans un instant, bougez pas, une grosse session avec Radur et ses invités sur Skyrock entre 20 et 21 dans un instant. Freestyle, dernier jeu NBA 2K15 à choper là dans quelques minutes. Je rappelle que dès lundi, les freestyles de cette semaine seront dispo, vous pourrez cliquer et choisir qui va repartir avec la PS4. Ce sera dès lundi sur le blog de Planète Rap, bougez pas, on revient après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir après le premier Planet Rap en public. Comme toi, Gradur a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Avec Gradur et ses invités, une grosse session live. On a une première partie, ça continue dans un instant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut rapper. Après, de toute façon, c'est vrai, il y aura des 16 mesures et chacun va faire ça. Et là, on est avec Nizo de Grasse par téléphone. Salut Nizo. Salut. Ça va bien, je te présente Gradur. Allô, ça va? Ça va et toi? Ça va comment, Chégué? Ça va, Chégué? Au calme, ça dit quoi? Tranquille, hein? Ouais, ça dit le 06, quoi, Grasse. Avec Nizo. Au calme. Et bah écoute, Nizo, on va t'écouter rapper. Tu repars avec le jeu NBA 2K15, le t-shirt Adidas qui va avec. Et puis, si t'es le meilleur la semaine prochaine, si les gens votent pour toi sur le blog de Planète Rap, il y aura aussi une PS4 la semaine prochaine. Nizo, on t'écoute rapper, session freestyle par téléphone, c'est parti. T'as une 30 pour tout défoncer. Ok. Instru de Tribe Called Quest, qui est sur le jeu NBA 2K15. NYSO. Parfait. Je mets dans deux chill, les flics ont reconnu la plaque. Une bouteille de Jack, je fais ce que Jacques a dit. Je balance des morceaux, le rap je décapite. Appelle-moi Bernard ou Booker, je mets tapis. Derek un canard, ça me fringue qu'elle tapine. Dédicace à mes frères, la tête sur un tapis. Ratatata, le capot décapite. Je drague pas tatata, mais je drague ta copine. Je t'ai froissé comme le linge et ça me fait gaulerie. Tu me traites de singe, mais quand t'arrives les gorilles, je vais à la vitesse d'un bolide. Demande à la police, quand je rappe c'est la folie, donc c'est pas trop la folle. Je fume le rap pendant que tous les autres ils se moquent. Je bois pas d'alcool, je suis diabouré talent. Je voulais faire footballeur, mais je rappe à mi-temps. Je regarde pas à l'heure, moi je suis plus dans les dents. C'est embêtant, j'envoie des pastèques. Patate dans les dents, par ici ça rap sec. Je vais pécho Adam, puis je me barre aux échelles. J'ai trop joué avec les dames, rien que j'enchaîne les échecs. Dans le rap, j'envoie de la bombe à plus loin, c'est 4. Lève ta bécane, je rappe, je régale. Quand j'arrive avec mes gars, toi tu t'écartes. Je paye l'électricien, mais des fois je pète des caps. Ça vient de calme, tu fais le fou, je te calme. Tu te calmes, bam, mon fou, je te calme. Pas les sous du Qatar parce que dans mes poches, chaque dalle. Mais j'envoie de la patate comme les mecs d'Al-Qaïda. Je suis un nouveau MC, imbécile, rap, c'est facile de passer rapide comme ici. Sympathique, c'est pour rappeler des pas de la street. J'ai pas de pressing parce que là je suis pressé. T'as me porté des strings, bah je mets des PC. J'ai pas un clou, mais je vais percer. J'ai du rap français, pas de rap ricain. Trop de gens veulent me couler. Je marche qu'avec des requins. Avec ma grosse, c'est pas le coquin. Ou je te pète le cocktail. Petit, j'avais pas de téléphone, recevais des coups de fil. Ok, à l'instant, Nizo en freestyle, merci à toi Nizo, bravo. Le NBA 2K15 qui arrive du côté de chez toi avec le t-shirt Adidas. Et merci à toi par Nizo par téléphone, bien des bon, petites dédicaces bon, à passer, petit message. Oh, je peux dédicacer? Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Giovanni Dewam, Malcolm, Flavio, Giuliano, Sonel, Michael, Kilito, Edgy, Manu, W, dédicace à Kevin, on s'oublie pas. Eh ben merci à toi, passe une bonne soirée. Nous on repart avec une grosse session live maintenant. Voilà. Gradur qui fait croquer avec une grosse partie du 59 qui est présent dans le studio. Et après les frelons du 9-3, du 7-7, un peu de partout, du 9-1 aussi. Lordi, ça est au platine. Vas-y, c'est parti. De l'Itwit. Grosse session live maintenant, c'est parti. Chez Squad, en live sur Skyrock, Kayet. Le NVA est là ou pas? Au calme. Tout le monde. Tous les tertus. Je démarre au quart comme un délitude. Salope qui te met au délit fuite. Quand je sors le bruit de l'étude. Je ferai du sale, c'est promis. Pour faire du sale, je suis premier. Je démarre au quart comme un délitude. Salope qui te met au délit fuite. Quand je sors le bruit de l'étude. Je ferai du sale, c'est promis. Pour faire du sale, je suis premier. BDZ, oh. Je pars volant à l'anglaise comme Baltas pour mieux te rafaler. Pour mieux te rafaler. Fronton noir dans ta bouche de l'autre bout, ma bite, tu ne peux qu'avaler. Tu ne peux qu'avaler. Tu peux plus qu'avaler. Le père aimait des quadrillés. Seul chargé dans le barillé. Vous parliez que dans ma zone on trouve rien dans ta parlée. Toutes les questions de liquide. La salade, je la liquide. Pas crédit, je vais faire le liquide. Tu peux faire ton compte de liquide. C'est pour mes gangs, ça. Sur tête, tu cherches 24, déjà la télé. On en a plus rien à foutre. Déjà, tu peux s'appliquer vite l'héros à ta grand-mère la pute. À la fin, je me dis bye bye. Y'a ceux qui font les bails, ceux qui baillent. Putain, gros, je suis die die. On dit que chargé, voilà ce qu'on aille. Cette pipe suce la bite. Et toute sa langue aussi vite qu'un ventilo. Tu sais où j'habite. Et pour te dire d'aller niquer ta mère, j'aurais pas le ventiloque. Je suis cramé à quartier sur un barbecue. Trompé dans la chatte, ta marraine, on se passe pas ça. Trompé dans la putain d'assaut, on le fait en plus habillé, crave là, la CC. Inch'Allah, que ça va cesser. Toutes ces putains d'années, ton prix m'ont vexé. Maintenant, je vais tout vivre avec excès. Ton gros scooter, les gens du X6. Moi j'm'en bats la queue, moi j'm'en bats la queue. Donc fais belle queue, donc fais belle queue. Tu veux ma peau qu'on fait la queue. On se met les balles, pire qu'on rentre, tu te mets les queues. C'est chaud, tu écartes les queues, font des clés de bras. Prennent pour tes diriners, pour tes diriners. Grosse lance, grosse chassis, j'me crasse. C'est la photo rainer, c'est la photo rainer. Les baisses, ma grand-mère les obèses. Prolique dans le B, moi quand j'fais mon baisse. Baisse, baisse, que d'un cristal que j'te ramène. T'inquiète, y'a le poids sur la baisse. Baisse, baisse, j'ai 30 ans et jazz. Quand ça fait les jazz, gros, fais pas ton foulé. Foulé, j'te rappelle ta mère et j'me casse mes pères. On fait moi un jazz, jazz, jazz. J'ai mort au cave comme un delitude. Salope qui te met une délite fuite. Quand je sors, je voulais de l'étude. Tu, j'te fais du sale, lui c'est promis. Lui c'est promis, lui c'est promis. Pour faire sale, moi j'suis le premier. Mais j'suis le premier, mais j'suis le premier. J'ai mort au cave comme un delitude. Salope qui fait que des délites fuite. Quand je sors, le voulais de l'étude. Tu, j'te fais du sale, lui c'est promis. Lui c'est promis, lui c'est promis. Pour faire sale, moi j'suis le premier. Aïe aïe aïe, dédicace à tout le monde les frères. On est chill. Allez Dionys, OVDS. Vas-y Dionys. JD bien. JD. Et ouais. On veut des sous, on veut des stupes, et c'est ça le souci. Quitte à faire du ferme, quitte à ferme du sursis. Libérer les gars de ma team, libérer Merzouki. On règle l'histoire de cash avec le 357 de l'Uzi. Ouais, on veut du cash, cash, crash où ça fait mal, mal. On vise le visage, le blocage des balles, des soldats cavales. Ouais, on veut du cash, cash. Crash où ça fait mal, mal. On vise le visage, le blocage des balles, tes soldats cavalent. Balade sur les champs, des sommes alléchantes, alléchantes. Dernier SUV, je me vois sur les jantes, les michetos sur le cul, les haineux sur le ventre, tout ça terre, allez sucer vos pères. J'suis posé à Nantes avec Brabus et LAT. C'est LAT. Tu connais les thèmes, mec, y'a rien à brader. Y'a rien à brader. J'suis revenu avec plus de level. J'ai changé de blase, mais j'suis toujours le même. Ils veulent me buter, mais on touche pas la famille. Touche pas la famille. Je veux tuer le fils, mais le père j'l'appelle Rémi. Je m'adresse à Miami. Faire kiffer la mamie. Dépenser des tonnes de chocas, sans côté comme les vacances au Rockma. Le gamos vient d'Italie, avec le black Harbi. Dans le coffre j'ai des tonnes de peça, côté passager j'ai une peuf froid. Ouais tu connais Mani, ouais tu connais Tony. J'ai pas besoin d'une taille de vodka pour vous fumer comme Sosa. Comme Sosa, comme Sosa. Et c'est ça le souci. Quitte à faire du ferme, quitte à prendre du sursis. Libérer les gars de ma team, hein, Merzouki, hein, si, si, Mali Gringos, si, si, si, si, si, l'eau, on ensemble, j'ai ouais, ouais, ouais, on veut du cash, cash, crash où ça fait mal, mal, on vise le visage, le blocage des balles, tes soldats cavalent, ouais, on veut du cash, du cash, crash où ça fait mal, mal, on vise le visage, le blocage des balles, tes soldats cavalent, et tu valides, tu valides, on te calibre, on te calibre. Dédicace à Nassim, à Biron, à Chilo, à Lockdog, à Walid, à Walid. Ça part en tête à tête, dans ta TES. On commence dans ta bouche, on finit dans tes fesses. On connaît tes faits et gestes, crois pas tu nous baises. On te rafale dans les genoux, puis dans les trapèzes. Il tire le premier, mais c'est moi je le bute. claque, il a le doigt sur la gâchette. J'ai la main dans le but. Jeune de Baltimore au VDS, si si ma gueule, si si. Ok. 5-9, là le business. Dédicace à tous ceux qui sont Hab, ceux que d'un. Ayoub, Sloggy, Malik, Abdeslam. Toute la place de Verdun, tout Villeneuve. Ok. Je suis flashé par les radars, flashé par Poliakov. C'est pour tous mes frères au placard, tous ceux qui m'écoutent dans leur bago. La journée sur le Raptor, la soirée sur Raptor. Dans ce game, soit je rappe gore, ou sinon je ne rappe pas. Je fais le million dans ma rapa. Smith et Wesson, j'ai les pare-balles. Ok, je sors, j'ai les Dawan. Je suis une personne inégalable, mais je la consomme de la baïda, de la putain de frappe de meuda. Si tu veux, Haja, viens nous voir, il suffit juste de demander. Un peu de sacré dans ma cabeza. Je reviens flinguer, faut pas rater ça. Je fais du rap très sale, toujours après ça. Fume leur concurrence comme de l'amnésia. Allez, qu'on connaisse nous désarmer. Dans la street, t'as fait des années. Mon frère, si seulement tu savais tout le sort que j'ai laissé sur le pavé. Dans le car cellulaire, c'est le mal gré numère. Des billets versés, la bicrave qui me rémunère. Originaire de... Alors je me sens obligé de niquer l'Africa. Et pire que la mafia vitale, des crimes pas seulement lyricales. Si je me ravitaille, ma petite caille, ça mitraille. J'arrive sur la capitale avec Boozer et les Cosmos. Tu sais qui est le boss à Katnar comme dans Call of. J'pense à tracer des loaves, à me faire sucer dans un télo. Dans deux CC. Hello, j'ai tout baisé dans le ghetto. Je suis totalement fêlé, mes sauts, morceaux, phénoménaux. Je ne répéterai jamais assez, mon front, l'on se faire la Nemo. C'est là le business, et quel est le hall business. Écouté par les ghetto youth, sucé par des minettes de Paris 16. Bolos terminé, les michetons de grève puisque la baricelle. L'addition a été salée, pourtant c'est pas toi qui a mis le zèle. Tarzel, Tago, pendant que Tago Marcel. J'la pénètre dans la vago, elle serre les dents comme Marcel. Ambiance trop malsaine, triple écrasé. J'me fais palper par Bernouche pour un délit de faciès. Ouais, ouais, ouais, c'est pour le chégué. Ces bâtards qui parlent sur moi dès qu'ils me voient veulent tous me checker. J'veux plein de zéros sur mon putain de chéquier. Ouais. Rouler en Cayenne GT, elle joue. Changer d'enjeté, c'est étranger. Il s'en passe des choses étranges, mais faut de la maille avant. Stranger, boutisé, DG, le jean m'a coûté exigé. Frelon, tu sens pas obligé. Faire la même t'as pigé. Faut que je fasse la fraîche avant de purger. Si tu veux de la purger, je postiche au QG. Sur terre, terre obligé. Entre les Zoulous et les Zoulets, je te respecte. Tu mènes l'enquête, ils nous suspectent. Pourtant, tu connais la recette. La recette, mais merde, liche. J'suis pas la dèche, pas la tête. Du Marrakech, pense à ta provenance du Bangladesh. Je rentre mon chef, j'emballe la tête, j'garde la pêche. Ça se voit dans ma dégaine, ça se voit dans mon flow. Ça se voit dans mon rap, ça se voit dans ma conso. Vas-y négro, guette ma chaîne. Il manque plus que la Bentley. Ma petite est swag. Petit Louis Fendi, l'air de Hugo, c'est ma chose en maudit dans mon blouson. Tu te rappelles de son prix, je me mets direct dans les tisons. Les mecs de Villeneuve, tout le monde. Ouais, ok, ouais. Salah, Hamza, Fikri, petits arcus, Jar, j'ai les mecs au placard. Ouais, Aziz, Bizou, Adam, Lili, ouais, j'ai le cas. Et remets la première instru là, tu fais s'il te plaît. Bang, bang. Bobosh, la brezou. 9-3-0, ma gueule. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Borcha. Paumé au placard, t'as écrit. Ouais, DJ. Sugar. Bang, bang. Keto crime, tu es. Le silence est nécessaire, ne leur dis pas qu'il était gagé la graine et mentalité acquittée. Peu le sort de mon bas d'entourage pour lutter, mec, il faut du courage. Yeah, la vie dans la cité est un combat. Mais comparé à l'Afrique, ça ne compte pas comme Luther. J'ai rêvé de l'égalité, mais je réveille pas de me. Je serai pas manipulé par ceux qui les suis un soldat et je n'irai pas simuler face à la mort. On ne pourra pas reculer. Et si j'ai tordu le moi, j'irai méditer. Me dit qui peut me juger, qui peut me buter. Mon but ne sera pas suffisant pour m'arrêter. Mériter ton pardon, je vais me jeter. J'assume tous mes gestes. J'ouvre ma gueule pour blesser. Lutter, contester. Mito, toi, touffe ta gueule. Pour suivre, c'est contester. Mon équipe de conseiller. Ok, je sais, mais qu'on a pris l'habitude de répondre. Par la violence et par conséquence, immunité contre l'innocence. Ça part en couille dans tous les sens. C'est le bide dans les sens. C'est l'allumette qui mettra fin à ton existence. Va où Dieu pense. On se finit, je déteste à cause de la différence. La guerre et le passé reste impossible. La présence de bâtir un futur qui soit plus que parfait. Quel côté n'avons-nous pas fait? Bref, mec, la rumeur du feu, mais je ne suis pas fou d'elle. Comme dirait mon pote Omir, ça. Je ne cours pas après l'amour comme Faudel. Viens les yeux de sale comme Missa. Représente Green et Gangsta, ghetto, crime, cocaine et cause d'art. On est là pour du drap. Représente fuck la bac, les stupés pourvu que ça dure, gars. 9-3-5-0, Green et Gangsta. Ta fuck la bac, néo musique, négro, c'est ça les bacs. Yeah, yeah, yeah. On est là, NM Tech, micro, présente. On défouraille son sky, poste à check les bacs. J J'ai pour habitude de finir ce que j'ai commencé. Crois pas que j'ai tout montré, non, ça c'est juste un condensé. La hagla on l'a fait, ils en parlent au quai d'Orsay. Tout le monde s'est fait péter, sauf toi, je suis sûr t'as balancé. Les petits ont grandi, ça bibi et puis ça balancé. Tout le monde veut sa paire de lui, vit son thème, sa fiancée. Dis donc tu peux pas payer, on va pas t'avancer. Passe après, obligé de ligoter et te tabasser. T'es vu la tête de l'inote, oui, t'as gardé à fiancer. Tellement que je suis gueux dans les bons temps, aujourd'hui pour le prononcer. Tiens, cocaine, motherfuck, chez gueux. Gradure, ok, hey. Greeny King. Oh, vas-y, je te cœur. Ici. Motherfucking prof, ton nique ça. Le king de roulement, voilà, c'est qui doggy. Et la 15, pas un américain, c'est un africain. Let's go! Big up à Sarko, la famille. Aïe, on est là. Big up à Kies. Gradure, il est là, okay. La famille. On s'allonge, on s'endort pas. Ok. Tiens. Ok. GL Kalash. GL Kalash. Bobosh, F3. Ok. Voli. Ok. GL Kalash. Bang, bang, bang. La brosou. Pour Gradi, ma gueule. Bobosh, ma gueule. Ok. Ça fait pour Johnny, hein. Validé par ma T, c'est la RUE. GLK, c'est moi contre eux. J'ai une frappe que tu peux pas contrer. Vas-y, sors le contrat, marre de bicrave de la bœuf. Ils parlent de coups de feu, on parle de coups de buzz. Dis leur Cali, on est loin et les cartes se creusent. Et pas me c'est la bite quand je crée la réussite. On l'a, ils ont le mis, sac d'envoyeuse. Ouais, Chibra, fais les skier. Ils prendront ce qu'il y a pour ou pas crier. Prêt à prendre n'importe quel risque pour dépiller. Maintenant que j'ai gras, tu peux te rhabiller. Dis à ta collègue de nous parler les yoku. Beaucoup, mec, on était juste beaucoup. De la feu, car sortira le casque. La Kalashnikov vient d'un trou droit de Moscou. Je les mets tous à chèque, les rodis, dans OJ. Calibration a été bang bang, ça va dire. Non, non, c'est pas comme ça que tu vas t'enjay. T'as pas payé la dette, les problèmes se sont en pied. Ils se demandent comment Geeks fait du pif. On la pique grave sur quel poids sous le pif. Un vrai bonhomme comme mon père, moi j'ai nif. Un mec tout champion, je te milite, je fais la tif. Je suis pas au con, t'es tout mignon. Manque de respect, j'entraîne pas chignon. Sur mon cas, il faut des réunions. Alors j'imagine pas, faites le million. Allez, belle, belle, belle, que j'ai posé tes bombes vite et j'ai la dalle, le ziki dog et bala bala bala. Allez, belle, belle, belle, que j'ai posé tes bombes vite et j'ai la dalle, le ziki dog et bala bala voilà. Allez, belle, belle, belle, que j'ai posé tes bombes vite et j'ai la dalle, le ziki dog et bala bala bala voilà, voilà, voilà, juste, voilà, voilà, juste la rivalité dans la vie, mais vous savoir pour l'écouter. Les faits marrent dans la vie, mais le parleur à mon avis, mais c'est pas ça la vie, j'ai vite dépassé par la tolle, c'est le shit, embrassé par les all au shit, ça fait. En parlant de gueule, tu sais qu'est-ce que c'est gangsta dans la tête, ça me dit, bah là, c'est que le dog et que ça t'a laissé les dégueules, mais laissez les dégueules, ma gueule, tu sais que ça permet des gueules, mais t'es les miches, donneuses et les mitraillettes, bitches, c'est ce qu'elles veulent. Avec le coffre, le décolle, départ, plus bonneuse, pas le bon taf, mon taf. Je connais la rue, la pita, mais puis cravé, tu fais que de mon pavé, quand tu t'y mets, fais gaffe, fais gaffe à la stupide, tout c'est bordel, anti-AB, hé. Attends, quand je dis, je fais quoi de l'état, mais je la baisse, je la prends. À quatre, deux pas, en fait, je la baisse, et deux fois, faut te tirer ma main, t'inquiète même pas. Donc, dis pas là, mais t'inquiète, qui est, c'est les là, mais c'est ça. Je t'explique, les choses de cette année, le rap français va se faire et va ça, mais massa. On a le sang qui sonne, sonne qui pose des tonnes, mon groupe, c'est le style, donne le monde, même à exercice de style, style. Presque, vous êtes là, vas-y, Zaka. Ah oui, la king. Ouais, ouais, ouais. Ok. Zaka, nouveau roubé. Hamid, Bilal, Hus, Adem. Chouette Zer, nouveau roubé, on est là. Ok. Ouais, Johnny. Vas-y, monte-leur. Bang, bang. Putain de merde, les types se perdent en fumant de l'herbe. Les kiffes nous lèvent, Starfall là, les frères crèvent. Ça merde, j'en suis nerveux. Dis-moi à quoi tu sers, à part te faire viscère. Ouais, on fait des sous, mais bon, c'est la misère. Ah, t'as tout fait, vas-y, arrête. Tu rends fou comme la cigarette. Ferme ta gueule, elle ferme ta gueule. Viens au quartier, y'a de la frappe d'herbeule. Pas de crête, ma gueule, si tu veux qu'on t'accueille. Non, moi, il s'en pousse, ton rôle l'accueille. Tu veux un fit poteau, allez, fais la queue. Tu fais rigoler comme fait la gueule. Y'a pas un franc, c'est une blague. Pris à Sarageux pour un schlague. J'aime trop l'argent, c'est jamais c'est la plus. Cross des Khemja, ouais t'as des couilles, ouais t'as des couilles. Mais j't'ai déjà dit, faut le cerveau déjà. Et celle-là, c'est pour tonton, enfermé, abattu. Sache que dehors ou dedans, la personne ne nous piétine. Coup de canine dans la tétine. Notre objectif c'est Médine. Bastiné par les sardines. Des frères qui n'en sont pas dignes. Sur du vergue là on patine. Donc c'est normal qu'on béton. Soit disant frère, soit disant pote qui t'a lâché pour un béton. Putain qu'on grandit vite. On voit pas le temps, ça part. On sait qu'on veut des sous. Mais comment on sait pas. Donc on improvisa. On le va l'antivol des bizarres. Faire la bizarre, celui qui quitte la mise mon grand. C'est un délire bizarre. De la maternelle jusqu'au bloc à Liliane. Qui nous cachera c'est qu'un ninja. S'attaque comme bac à Isania. Pour faire du bip donc on saigna. Tu nous kiffes donc tu transaignas. Les clips le beat le insignia. Prahelja casse-toi. Au quartier c'est la consigne. Demande à FAS pour faire des sous RAS. Mais l'oseille rend malade. Des scènes de fou quand c'est la hesse. Ça la hesse. Et puis Sardar, si t'as des fonds, on craque ta dalle. La tôle, c'est pas les vacances qu'on faut pas le métard et le matard. Dunker, NVRZ, vas-y. Quand ça enchaîne, quand ça enchaîne. Si nous faut des gros billets, faut s'associer, car nous s'y est. Attends, GLK, vas-y, vas-y, vas-y, Cosdin. Ok. Ouais, Planète Rap, vous êtes là ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, envoie ton 16, le meilleur. Je les élimine, ils se poussent, les étranges, je les force à crier mon jeu blabide. Efficace, je suis, je sais, évite de copier, tu peux pas me faire face. Dire qu'avant tu m'écoutais pas, aujourd'hui tu me suces pour que j'appelle ton blast. Devine, c'est qui que je vise, je te parle de la tarot. Et toi, comme un con, tu me dis de lui faire la bise. Mais c'est des cons et des connes, une petite bouteille en verre et ça y est, je déconne. Je me fous de ta gueule, comme un caissier au cuic qui voit un mousseline et lui donne du bacon. Dans le peurage, je suis la baleine, je vais voir en petit les rappeurs dans l'aquarium. Je la baise, elle me tèche, je la rappelle, j'arrobaise, je la tèche, mon amour, désolé, t'es plus bonne. Comme une voiture avant de commander au McDrive. Les messages que j'ai reçus c'est que t'étais en sac. Mais Coco c'était plus là. J'écris, je pose, je mixe. Vous avez la méthode, vous êtes pas fort. J'écris, je pose, je vous nique. Mon vocabulaire, quelques métaphores. Brrr, c'était Coche d'or. Ouais, ouais, ouais, ouais, fais du bruit. Vas-y, Rukana. Dédicace à P2, Awax, Lucas, Mani, Black Cupid, roupé sous ma gueule. Ouais, ouais, ouais, quartier S ma gueule. Rimkana, je fais des ronds avec mon stylo. Yi, ok, ok, eh. 2-0, un cash, t'en fais un toilette. Le petit roubaisien, oui, c'est moi, mec. Bébé, fais traîner la bavette. Rabat, j'ai traîné la buvette. T'as 4 pattes, t'as une galette dans les cuvettes. Yeah, ok. 2-0, un cash, t'en fais un toilette. Le petit roubaisien, oui, c'est moi, mec. Bébé, fais traîner la bavette. Rabat, j'ai traîné la buvette. T'as 4 pattes, t'as une galette dans les cuvettes. J'vois une patte, et ça prend en fumette. Et ça prend en fumette. J'ai dit, j'vois une patte, et ça prend en fumette. Et ça part en fumée. Je vois une patte et ça part en fumée. Et ça part en fumée. Je réchauffe à la grigousse. Ici le chien est grigousse. Axe ça met des picousses. T'as les cheveux gris qui poussent. Pousse, pousse comme la blouse. Je ramène la frappe de mandat au gousse. Je vois net canette de gazous. L'Algérie en coupe du monde, c'est premier abzous. Je tâche ma volée dans le berlingot. Gun, drogue, monnaie, on veut des lingots. Viens pas à coller où j'avais mes clingots. Rafale par le théo. Du verre synchro sous la selle du vélo. Shit sous cello. Lève le ghetto comme un quartier. Aime du sale pour mes pélos. Deux sur le pédo. La taille sur le polo, s'il y a pas de tétem. La taille sur le polo, s'il y a pas de tétem. Vous passez Marseille, ça la mer et le soleil. Ça la mer et le soleil. Roupé c'est Marseille, ça la mer et le soleil. Ça la mer et le soleil. Roupé c'est Marseille, ça la mer et le soleil. Brrr, Rimkana, vas-y. Ouais, ouais, ouais, 3 pour Willow. Et Son Jeunes. You like, you like. Prends le rap traduire, force, force, force, chérie. Force, ici c'est Cayenne, Cayenne, le flow du Cayenne. Cayenne, plan carré, on est paré. Paré, personne nous parraine. Parraine, on est trop vrai, trop véridique, crois pas qu'on nous parraine. Parraine, on ouvre le... En 4 balles, on lâchera des balles. Balle reste dans ton délire. Délire, on commet des délits. Délit, 9, 1, risque, busy. Des péchés plus lourds que le poids de Biggie, Biggie, ma paire de Nike. Tous les jours, marche sur le bitume. Bitume, rien à foutre de tes galères. On veut des bitumes. On a connu autant de faux potes que de grosses putes. Les faux boys, on les boycotte pour les vrais. Faut des grosses thunes. Darla Night posté dans le GA. Effectif réduit, il reste que des Torres Kate et des Gérard. Depuis tant, un pitbull marche avec des rats. Tout c'est faux d'hier. Aujourd'hui, j'ai fait table rase. Je marche. Cœur en plâtré, Malaïka Kincha. Fort, radio, fort. Négro, ça fait clic, clic, pas. Quand mes chéguers entre le beat. Pas les coups de Chicago dans le 5-9 de piste. Ça débite, ouais, ça débite. Si c'est pas des beats, on book juicy et dash sur un feat. Toco, Oma, Bago, Nyo, Samba, tapé dans l'équipe. Vas-y, suce mon frère, vas-y, suce mon pote. Vas-y, suce mon frère. plein d'équipe. Bah ouais, compte liquide, on prend ton liquide. Moi j'ai ça, j'espère que l'équipe. Rakakakakakakakakaka. On arrive, on déboute dans ta grosse lettre. Hey, ma bite arrive dans ta boîte à caca. Sans toquer si tu fais trop la bière. Putain. Vas-y, vas-y, vas-y, Kane. Les gars, c'est comment? DP, le petit maïs, dédicace. La weed déroulée comme en usine. J'ai vu bolide, j'ai vu limousine. Fais kiffer ta cousine. Vais percer ce coup-ci. Forcément, les tirs sortiront résine. Voisine mort, de rire, c'est pour tous mes bâtiments. Pavillon et mes gars n'ayant pas de domicile, missile. Pas de punchline, on prépare homicide pour la punchline. Get nous ta frachette, grosse larme. Exhibit, va dégainer la grosse arme. Oh! Boss au nord, pour tout mettre à part du ghetto qui bosse au nord. Daron, daronne, boss au noir. Ce peu de vérité, on fera bon son mort. On est bon sa mère. Si le coin des s'amène et qui part de contrôle sa mère, j'en rigole sa mère. Je me parle du monde sans y avoir pénétré ses mères. Outé, Wu-Tang, assume le beat à la gosse, ce qu'il a. Rime kill bill pour les potes, faut un big deal. Pas de Prada, on est bien dans la fila. Y'a pas de bon parleur, chicken, pocket, chicken. Droite posée sur la tête de ta copine. Que des pales copies, eux sont pas prêts. La barre comme Pablo, pas Cody, c'est mes paroles tirent. Pas la peine de parler de peine. J'ai truqué le shit quand on peine, en team ou bien solo. Jamais ken ken ne perd, je me sens comme un descendant du père. Écrivez mes textes dans la salle de perme. Surveillant m'annonce que si je perds pas tout de suite, j'aurai tout du père. C'est mon ovule comme ballon, manque de bol. Lui on fait faire à ton car, le négro n'a plus de poil. Gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, je suis pas affolé, je fais pas le merleur devant des billets violets. Quoi qu'il se passe, fais-moi la passe. Reprise de volet. Terre au noir, les petits sont réveillés. Je suis dans le noir, depuis qu'on m'a braqué. J'ai vu rouge, j'étais mal, genre en sorcelé. Ego trip, je remettrai, je me sens qu'elle est solée. Avant la whip, je tombe dans le vide. Bim, bim, je suis bousillé. Tombeur de femme, si je suis pas compté, t'as trop le seum, tu veux me boycotter. Je suis trop loin, quand t'es venu lâcher. Hachis, je bois le trafic lucratif. Trop de flots, j'suis sous Tennessee. Protège-moi de mes amis. Mes ennemis sont rares ici. Jalousie, calomnie. J'prends mon pied dans un jacuzzi. Y'a de la repu, moi j'mets le prix. J'ai mes affaires, j'suis à son prix. Rien à faire, va chercher l'oseille. Rien à faire, va chercher l'oseille. Ils poussent des affaires, et ça y est, tu prends des ailes. Rien à faire, va chercher l'oseille. Rien à faire, va chercher l'oseille. On pousse des affaires, et ça y est, tu prends des ailes. Les deux. Okay. Wow. Hey, vas-y. Que stress. Rich business, Renault gang. Ok, ok. On respecte pas les règles, frérot. Nique les temps, pas que j'attends mon heure de gloire. Ça fait un moment que le temps passe. Alors on jette à l'eau. Jusqu'à boire la tasse, on finira par faire de la natation. Vu comment on brasse, bien élevé. Mais on se tient pas à carreau. Je me lève tous les matins avec. J'ai pas peur des barreaux. Ici les caves n'attendent pas l'automne pour te faire tomber. Nul en maths frérot. Mais j'ai sûr qui comptait. À deux doigts de péter un plomb. Car je suis à la recherche de l'or. Je suis comme Adidas. Je traîne en bord dehors. J'ai du génie. Pourtant je sors pas de talent. J'tise trop, normal que je sois bourré de talent. Beaucoup de talents cachés qu'on aimerait voir sur les terrains. Dur de faire du bien quand c'est le mal qui court entre tes reins. Rien à demain, demain, reste jamais. Si, si, j'ai vas-y. Yo, je commence à rougir, là c'était pas ta mère. Ça parle pas quand la messe, c'était tapité dans la merde. J'étais cette pigeon Mike, man, de là je suis pas cheaper. Toi t'as raté, je suis pas posé pour ajouter un petit peu. Y'a que les vrais qui changent, ah, trop vite tu me persévères. Ça part à droite, à gauche, même avec un persévère. Dis leur gradure, fuck les chèques ici, ça part cache. Dans ma tête, toi c'est Bagdad, micro, je lève mes bas de casse. C'est vrai que j'arrive, ça gigote. Fais pas le fond, on est pareil, mais taille, c'est sacré bebop. Ça vient de la test, reprends et bien on teste. Rock, si t'as des fonds, rebeu, bah c'est chez toi qu'on teste. Corps 2014, fantastique des inédits. Question braco deal dans ma street, que des inédits. Cette année, je viens tout graille, je veux rien vous laisser. Donc, j'aime pas l'histoire, je pense que combien vous blesser. Fais pas le fou, gros, fais pas le personnage. Je veux partir tout seul, alors même dans la même place, je nage. Je comprends la réussite, je fais du surplace. Allez, dans l'igloo, dans les rêves, je suis des êtres sur classe. La tête sur les épaules, va monter ses baisers pour mettre ses commandes. C'est pour lyrique à la quête, c'est tout. Raconte ma life, on va pas se mentir. J'ai pas me vanter, mon but, c'est pas d'être bandit. N-I-M poteau. 1-1-1, ok, 45 NS, Peperos, la Cosa Nostra, hey, le placard, y'a foy, 1, ouais, ouais, ouais, ouais, tous on est né dans la chacalité, demande à chacun la méga de roupée, charognard, c'est nous les vrais, vrais de vrais, c'est comme dans V, hein, c'est nous les visiteurs, on a fait le voyage en jeep. Le son à fond sur du Mob Deep. Rien qui m'inspire le beat. C'est comme chez Jamy. Envoie un bon plat d'IB. On prend en brochette. Eh ouais, joli comme un palace à Abu Dhabi. Faut que ce sort de beat anti-vice dans mon équipe. Je traîne qu'avec des vrais types. Dans mon proc, j'ai l'automatique. Faut qu'on casse à la plus magique. Ouais, ouais. Hein, oh, gradure. C'était la session live dans Planète Rap entre 20 et 21 sur Skyrock. Je suis désolé, il y avait encore beaucoup, beaucoup de monde dans le studio. Mais il y a un moment, il faut savoir arrêter. Désolé, merci à vous tous, gradure. En tout cas, je tenais à te remercier pour cette belle semaine. Tiens, on t'écoute. Le micro, si tu veux dire un dernier mot. On va rappeler que t'es en concert, surtout à pas louper. Hein, voilà, je suis en concert le 25 février au Bataclan. Il y a Lyon qui arrive aussi en Showcase. Il y a Lyon qui arrive le 31 en Red Room. Et je voulais te remercier, Fred, de m'avoir invité parce que. Eh ben, merci à toi, vraiment. Je m'ai invité pour une mixtape gratuite. C'est la première fois qu'on voit ça dans le rap français. Donc L'homme au Bob, ça arrivera par contre, l'album voilà, à suivre. Ça va arriver très très lourd. On et en parlera. Je donnerai des t-shirts à tous ceux qui l'auront acheté. Je vais me déplacer dans les villes et je donnerai des t-shirts. Eh ben, merci à vous tous pour cette belle semaine. Toi, merci à toi, Gradure. On va faire tourner rapidement la roulette et on retrouve Diffoul juste après. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. C'est Marie de Lens qui vient faire tourner ça. Bien Marie. Salut, ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme pour bien finir la semaine. Tu es prête à faire tourner la roulette? Prête. On y va, c'est parti. La roulette tourne. Et la roulette va s'arrêter pour toi sur la case Marie. C'est. Eh ben voilà, c'est Sopra, concert. Ah, la bien. Ah, la bien, cousine. C'est pour toi, c'est à Dunkerque le 17 mars, deux places pour Sopra. Ah, merci Carole, merci Fred. Eh ben je te fais un bisou, passe une bonne soirée. Merci à merci. Vous tous d'avoir suivi cette semaine consacrée à Gradure dans Planète Rap. Entre 20 et 21, toutes les vidéos seront dispo sur le Skyrock FM, sur le planeterap.skyrock.com. Et là on va retrouver Diffoul et toute l'équipe. C'est parti. Yes Fredo. Ouais Fred. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est prêt. On est prêt. Jusqu'à la nocturne de Planète Rap tout à l'heure. Jusqu'à minuit. Minuit la nocturne. C'est avec toi Fred. Yes, à pas louper avec un jeune garçon qui nous vient du 9-3 d'Épinay-sur-Seine. Il s'appelle Crix. Crix à découvrir. Ouais. On pourrait le découvrir tout à l'heure. Tu connais Fred? Tu connais Ouais, c'est un poteau à moi qui s'occupe de lui en fait. Ouais, ouais je te jure. Là, il est... Un mec du 9-3. Ce sont les jumeaux. Tu les connais Fredo. Et quel est GKL? Et quel est GKL, ouais, qui s'occupe de lui. Ah oui. Ouais, c'est la famille. Qu'on salue. Cédric a ses connexions un peu. Hein. Ouais, ouais, il a des grosses connexions. T'inquiète. Grosses connexions. Et la nocturne de Planète Rap, c'est tout à l'heure à minuit, 100% rap français, tous les vendredis soirs. Merci pour la semaine Gradure, c'était super Gradure. Grosse semaine, ouais, oui, Gradure. Oui, grosse semaine. Grosse soirée aussi, là, on a prévu hein, pour ce soir-là. Tenez-vous prêts au programme. Nous, si on a nos invités, Pamela sera là, toute l'équipe est là aussi. Vous tous, vous tous en direct, évidemment, comme tous les soirs, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20 si vous avez un truc à dire. Loupez pas la nocturne et la semaine prochaine, n'oubliez pas Planète Rap. Le retour de Planète Rap avec le groupe signé sur le label de Gims, c'est Monstres Marins, découvrir leur premier album tous les soirs. Le retour des Monstres Marins. Exact. Tout à l'heure, donc la nocturne, lundi, Planète Rap avec les Monstres Marins. Ouais. Et là, la Radio Libre, une super soirée qui s'annonce, nous envoie Anto sur SMS. C'est bien noté Anto. Allez, dans un instant, c'est parti pour la Radio Libre de Skyrock. On va démarrer avec quoi ce soir? Avec quoi hein? Je pense un petit lacrime peut-être. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Un petit lacrime extrait de Corleone, c'est parti. Et Fredo, bah tout à l'heure. Hein. À tout à toutes. On te laisse te préparer à minuit. Ouais. Le retour. Ça va chauffer à toutes. Ça chauffe, ciao.